Homère, l'Odyssée, chant 16. Au lever des hosses, Odysseus et le divin Porché préparèrent le repas, et ils allumèrent le feu, et ils envoyèrent les pâtres avec les troupeaux de porcs. Alors, les chiens aboyeurs n'aboyèrent pas à l'approche de Télémaque, mais ils remuaient la queue. Et le divin Odysseus, les ayant vus remuer la queue, et ayant entendu un bruit de pas, dit à Eumaios ces paroles ailées. Eumaios, certes un de tes compagnons approche, ou un homme bien connu, car les chiens n'aboient point, et ils remuent la queue, et j'entends un bruit de pas. Il avait à peine ainsi parlé, quand son cher fils s'arrêta sous le portique. Et le porcher stupéfait s'élança. Et le vase dans lequel il mêlait le vin rouge tomba de ses mains, et il courut au-devant du maître, et il baisa sa tête, ses beaux yeux et ses mains, et il versa des larmes, comme un père plein de tendresse, qui revient d'une terre lointaine dans la 10e année, et qui embrasse son fils unique, engendré dans sa vieillesse, et pour qui il a souffert bien des maux. Ainsi le porcher couvrait de baisers le divin Télémaque. Et il l'embrassait comme s'il eût échappé à la mort. Et il dit en pleurant ces paroles ailées. Tu es donc revenu, Télémaque, douce lumière. Je pensais que je ne te reverrais plus depuis ton départ pour Pylos. Hâte-toi d'entrer, cher enfant, afin que je me délecte de te regarder, toi qui reviens de loin. Car tu ne viens pas souvent dans tes champs et vers tes pâtres, mais tu restes loin d'eux. Et il te plaît de surveiller la multitude funeste des prétendants. Et le prudent Télémaque lui répondit. Qu'il en soit comme tu le désires, père. C'est pour toi que je suis venu, afin de te voir de mes yeux et de t'entendre, et pour que tu me dises si ma mère est restée dans nos demeures, ou si quelqu'un l'a épousée. Certes, peut-être le lit d'Odysseus étant abandonné, reste-t-il en proie aux araignées immondes. Et le chef des porchers lui répondit. Ta mère est restée, avec un cœur patient, dans tes demeures. Elle pleure nuit et jour, accablée de chagrin. Ayant ainsi parlé, il prit sa lance d'airain. Et Télémaque entra et passa le seuil de pierre. Et son père, Odysseus, voulut lui céder sa place. Mais Télémaque le retint et lui dit. Assieds-toi, ô étranger. Je trouverai un autre siège dans cette étable. Et voici un homme qui me le préparera. Il parla ainsi, et Odysseus se rassit, et le porcher amassa des branches vertes, et mit une peau par-dessus, et le cher fils d'Odysseus s'y assit. Puis le porcher plaça devant eux des plateaux de chair rôtie que ceux qui avaient mangé la veille avaient laissés. Et il entassa à la hâte du pain dans les corbeilles. Et il mêla le vin rouge dans un vase grossier, et il s'assit en face du divin Odysseus. Puis ils étendirent les mains vers la nourriture placée devant eux. Et après qu'ils eurent assouvi la faim et la soif, Télémaque dit au divin Porché. Dis-moi, père, d'où vient cet étranger? Comment les marins l'ont-ils amené à Ithaque? Qui se glorifie-t-il d'être? Car je ne pense pas qu'il soit venu ici à pied. Et le porcher Eumaios lui répondit. Certes, mon enfant, je te dirai la vérité. Il se glorifie d'être né dans la grande Crète. Il dit qu'en errant, il a parcouru de nombreuses villes des hommes, et sans doute un dieu lui a fait cette destinée. Maintenant, s'étant échappé d'une nef de marin Thesprotès, il est venu dans mon étable. Et je te le confie, fais de lui ce que tu veux. Il dit qu'il est ton suppliant. Et le prudent Télémaque lui répondit. Eumaios, certes, tu as prononcé une parole douloureuse. Comment le recevrai-je dans ma demeure? Je suis jeune, et je ne pourrai réprimer par la force de mes mains un homme qui l'outragerait le premier. L'esprit de ma mère hésite, et elle ne sait si, respectant le lit de son mari et la voix du peuple, elle restera dans sa demeure pour en prendre soin, ou si elle suivra le plus illustre d'entre les Achéens, qui l'épousera et lui fera de nombreux présents. Mais, certes, puisque cet étranger est venu dans ta demeure, je lui donnerai de beaux vêtements, un manteau et une tunique, une épée à double tranchant et des sandales, et je le renverrai où son cœur désire aller. Si tu y consens, garde-le dans ton étable. J'enverrai ici des vêtements et du pain, afin qu'il mange et qu'il ne soit point à charge à toi et à tes compagnons. Mais je ne le laisserai point approcher des prétendants, car ils ont une grande insolence, de peur qu'ils l'outragent, ce qui me serait une amère douleur. Que pourrait faire l'homme le plus vigoureux contre un si grand nombre? Ils sont toujours les plus forts. Et le patient et divin Odysseus lui répondit. Ô ami, certes, puisqu'il m'est permis de répondre, mon cœur est déchiré de t'entendre dire que les prétendants, malgré toi, et tel que te voilà, commettent de telles iniquités dans tes demeures. Dis-moi si tu leur cèdes volontairement, ou si les peuples obéissant aux dieux te haïssent. Accuses-tu tes frères? Car c'est sur leur appui qu'il faut compter, quand une dissension publique s'élève. Plutôt Dieu, que je fusse jeune comme toi, étant plein de courage, ou que je fusse le fils irréprochable d'Odysseus, ou lui-même, et qu'il revînt, car tout espoir n'est point perdu. Je voudrais qu'un ennemi me coupât la tête si je ne partais aussitôt pour la demeure du Laertiade, Odysseus, pour être leur ruine à tous. Et si, étant seul, leur multitude me domptait, j'aimerais mieux être tué dans mes demeures que de voir ces choses honteuses. Mes hôtes maltraités, mes servantes misérablement violées dans mes belles demeures, mon vin épuisé, mes vivres dévorés effrontément, et cela pour un dessein inutile qui ne s'accomplira point. Et le prudent Télémaque lui répondit. Étranger, je te dirai la vérité. Le peuple n'est point irrité contre moi, et je n'accuse point de frères sur l'appui desquels il faut compter quand une dissension publique s'élève. Le Cronion n'a donné qu'un seul fils à chaque génération de toute notre race. Arcésios n'a engendré que le seul Laerte, et Laerte n'a engendré que le seul Odysseus, et Odysseus n'a engendré que moi dans ses demeures, où il m'a laissé, et où il n'a point été caressé par moi. Et maintenant, de nombreux ennemis sont dans ma demeure. Ceux qui dominent dans les îles à Doulichios, à Samé, à Zakynthos, couvertes de bois, et ceux qui dominent dans l'âpre Ithaque, tous recherchent ma mère et ruinent ma maison. Et ma mère ne refuse ni n'accepte ces noces odieuses, et tous mangent mes biens, ruinent ma maison, et bientôt ils me tueront moi-même. Mais certes, ces choses sont sur les genoux des dieux. Va, père Eumaios, et dis à la prudente Pénélope que je suis sauvée et revenue de Pylos. Je resterai ici. Reviens n'ayant parlé qu'à elle seule, et qu'aucun des autres Achéens ne t'entende, car tous méditent ma perte. Et le porcher Eumaios lui répondit. J'entends et je comprends ce que tu m'ordonnes de faire, mais dis-moi la vérité. Et si dans ce même voyage je porterai cette nouvelle à Laerte qui est malheureux? Auparavant, bien que gémissant sur Odysseus, il surveillait les travaux, et quand son âme le lui ordonnait, il buvait et mangeait avec ses serviteurs dans sa maison. Mais depuis que tu es parti sur cette nef pour Pylos, on dit qu'il ne boit ni ne mange, et qu'il ne surveille plus les travaux, mais qu'il reste soupirant et gémissant, et son corps se dessèche autour de ses os. Et le prudent Télémaque lui répondit. Cela est très triste, mais cependant ne va pas à lui malgré sa douleur. Si les destinées pouvaient être choisies par les hommes, nous, nous choisirions le jour du retour de mon père. Reviens donc après avoir parlé à ma mère, et ne t'éloigne pas vers Laerte et vers ses champs. Dis à ma mère d'envoyer promptement et en secret l'intendante annonçait mon retour au vieillard. Il parla ainsi, excitant le porcher qui attache ses sandales à ses pieds, et partit pour la ville. Mais le porcher Eumaios ne cacha point son départ à Athéna, et celle-ci apparut, semblable à une femme belle, grande et habile aux beaux ouvrages, et elle s'arrêta sur le seuil de l'étable, étant visible seulement à Odysseus. Et Télémaque ne la vit pas, car les dieux ne se manifestent point à tous les hommes, Et Odysseus et les chiens la virent, et les chiens n'aboyèrent point, mais ils s'enfuirent en gémissant au fond de l'étable. Alors Athéna fit un signe avec ses sourcils, et le divin Odysseus le comprit, et sortant, il se rendit au-delà du grand mur de l'étable, et il s'arrêta devant Athéna qui lui dit « Divin Laertiade, subtil Odysseus, parle maintenant à ton fils, et ne lui cache rien, afin de préparer le carnage et la mort des prétendants, et d'aller à la ville. Je ne serai pas longtemps loin de vous, et j'ai hâte de combattre. » Athéna parla ainsi, et elle le frappa de sa baguette d'or, et elle le couvrit des beaux vêtements qu'il portait auparavant, et elle le grandit, et elle le rajeunit, et ses joues devinrent plus brillantes, et sa barbe devint noire, et Athéna, ayant fait cela, disparut. Alors Odysseus rentra dans l'étable, et son cher fils resta stupéfait devant lui, et il détourna les yeux, craignant que ce fût un dieu, et il lui dit ces paroles ailées. Étranger, tu m'as paru tout autre que tu étais auparavant. Tu as d'autres vêtements et ton corps n'est plus le même. Si tu es un dieu qui habite le large Ouranos, apaise-toi, nous t'offrirons de riches sacrifices et nous te ferons des présents d'or. Épargne-nous. Et le patient et divin Odysseus lui répondit. Je ne suis point un des dieux. Pourquoi me compares-tu aux dieux? Je suis ton père. Pour qui tu soupires? Et pour qui tu as subi de nombreuses douleurs et les outrages des hommes? Ayant ainsi parlé, il embrassa son fils, et ses larmes coulèrent de ses joues sur la terre, car il les avait retenues jusque-là. Mais Télémaque, ne pouvant croire que ce fût son père, lui dit de nouveau. Tu n'es pas mon père, Odysseus, mais un dieu qui me trompe, afin que je soupire et que je gémisse davantage. Jamais un homme mortel ne pourrait, dans son esprit, accomplir de telles choses, ni un dieu survenant ne le faisait aisément. Mais Télémaque, ne pouvant croire que ce fût son père, lui dit de nouveau. Jamais un homme mortel ne pourrait, dans son esprit, accomplir de telles choses, si un dieu survenant ne le faisait aisément. Et comme il le veut, paraître jeune ou vieux. Certes, tu étais vieux il y a peu de temps, et vêtu misérablement, et voici que tu es semblable au dieu qui habite le large Ouranos. Et le sage Odysseus lui répondit. Télémaque, il n'est pas bien à toi, devant ton cher père, d'être tellement surpris et de rester stupéfait. Jamais plus un autre Odysseus ne reviendra ici. C'est moi qui suis Odysseus, et qui ai souffert des maux innombrables, et qui revient après 20 années dans la terre de la patrie. C'est la dévastatrice Athéna qui a fait ce prodige. Elle me fait apparaître tel qu'il lui plaît, car elle le peut. Tantôt elle me rend semblable à un mendiant, tantôt à un homme jeune ayant de beaux vêtements sur son corps. Car il est facile aux dieux qui habitent le large Ouranos de glorifier un homme mortel ou de le rendre misérable. Ayant ainsi parlé, il s'assit. Alors, Télémaque embrassa son brave père en versant des larmes, et le désir de pleurer les saisit tous les deux, et ils pleuraient abondamment, comme les aigles aux cris stridents, ou les vautours aux serres recourbées, quand les pâtres leur ont enlevé leurs petits avant qu'ils pussent voler. Ainsi, sous leurs sourcils, ils versaient des larmes, et avant qu'ils eussent cessé de pleurer, la lumière de Hélios fut tombée si Télémaque n'eût dit aussitôt à son père. « Père, quels marins t'ont conduit sur leur nef dans Ithaque? Quels sont-ils? Car je ne pense pas que tu sois venu ici à pied. » Et le patient et divin Odysseus lui répondit. « Mon enfant, je te dirai la vérité. Les illustres marins phéaquiens m'ont amené. Car ils ont coutume de reconduire tous les hommes qui viennent chez eux. M'ayant amené à travers la mer, dormant sur leur nef rapide, ils m'ont déposé sur la terre d'Ithaque, et ils m'ont donné en abondance des présents splendides, de l'airain, de l'or et de beaux vêtements. Par le conseil des dieux, toutes ces choses sont déposées dans une caverne. Et je suis venu ici averti par Athéna, afin que nous délibérions sur le carnage de nos ennemis. Dis-moi donc le nombre des prétendants pour que je sache combien d'hommes braves ils sont. Et je verrai dans mon cœur irréprochable si nous devons les combattre seuls ou si nous chercherons un autre appui. » Et le prudent Télémaque lui répondit. « Ô père, certes, j'ai appris ta grande gloire, et je sais que tu es très brave et plein de sagesse. Mais tu as dit une grande parole, et la stupeur me saisit. Car deux hommes seuls ne peuvent lutter contre tant de robustes guerriers. Les prétendants ne sont pas seulement 10 ou 2 fois 10, mais ils sont beaucoup plus. Et je vais te dire leur nombre afin que tu le saches. Il y a d'abord 52 jeunes hommes choisis de Doulichios, suivis de 6 serviteurs, puis 24 de Samé, puis 20 jeunes Achéens de Zakynthos, puis les 12 plus braves qui sont d'Ithaque. Avec ceux-ci se trouvent Médon, héros et Aoïde divin, et 2 serviteurs habiles à préparer les repas. Si nous les attaquons tous ainsi réunis, vois si tu ne souffriras point amèrement et terriblement de leur violence. Mais tu peux appeler à notre aide un allié qui nous secourt d'un cœur empressé. » Et le patient et divin Odysseus lui répondit. « Je te le dis, écoute-moi avec attention. Vois si Athéna et son père Zeus suffiront, et si je dois appeler un autre allié à l'aide. » Et le prudent Télémaque lui répondit. « Ceux que tu nommes sont les meilleurs alliés. Ils sont assis dans les hautes nuées, et ils commandent aux hommes et aux dieux immortels. » Et le patient et divin Odysseus lui répondit. « Ils ne seront pas longtemps éloignés dans la rude mêlée quand la force d'Arès décidera entre nous et les prétendants dans nos demeures. Mais toi, dès le lever des os, retourne à la maison et parle aux prétendants insolents. Le porcher me conduira ensuite à la ville, semblable à un vieux mendiant. S'il m'outrage dans nos demeures, que ton cher cœur supporte avec patience mes souffrances, même s'il me traînait par les pieds hors de la maison, même s'il me frappait de leurs armes, regarde tout patiemment. Par des paroles flatteuses, demande-leur seulement de cesser leurs outrages. Mais ils ne t'écouteront point, car leur jour fatal est proche. Quand Athéna, aux nombreux conseils, aura averti mon esprit, je te ferai signe de la tête et tu me comprendras. Transporte alors dans le réduit de la chambre haute toutes les armes d'Arès qui sont dans la grande salle. Et si les prétendants t'interrogent sur cela, dis-leur en paroles flatteuses. Je les ai mises à la brise de la fumée, car elles ne sont plus telles qu'elles étaient autrefois, quand Odysseus les laissa à son départ pour Troie, mais elles sont souillées par la grande vapeur du feu. Puis, le chronion m'a inspiré une autre pensée meilleure, et je crains qu'excité par le vin et une querelle s'élevant parmi vous, vous vous blessiez les uns les autres, et vous souillez le repas et vos noces futures, car le fer attire l'homme. Tu laisseras pour nous seuls 2 épées, 2 lances, 2 boucliers que nous puissions saisir quand nous nous jetterons sur eux. Puis, Pallas Athéna et le très sage Zeus leur troubleront l'esprit. Maintenant, je te dirai autre chose. Retiens ceci dans ton esprit. Si tu es de mon sang, que nul ne sache qu'Odysseus est revenu, ni la herte, ni le porcher, ni aucun des serviteurs, ni Pénélope elle-même, que seuls, toi et moi, nous connaissions l'esprit des servantes et des serviteurs, afin de savoir quel est celui qui nous honore et qui nous respecte dans son cœur, et celui qui n'a point de souci de nous et qui te méprise. » Et son illustre fils lui répondit. « Ô père, certes je pense que tu connaîtras bientôt mon courage, car je ne suis ni paresseux ni mou. Mais je pense aussi que ceci n'est pas aisé pour nous deux, et je te demande d'y songer. Tu serais longtemps à éprouver chaque serviteur en parcourant les champs, tandis que les prétendants, tranquilles, dans ta demeure, dévorent effrontément tes richesses et n'en épargnent rien. Mais tâche de reconnaître les servantes qui t'outragent et celles qui sont fidèles. Cependant, il ne faut pas éprouver les serviteurs dans les demeures, Fais-le plus tard, si tu as vraiment quelque signe de Zeus tempétueux. » Et tandis qu'ils se parlaient ainsi, la nef bien construite qui avait porté Télémaque et tous ses compagnons à Pylos était arrivée à Ithaque et entra dans le port profond. Là, ils traînèrent la nef noire à terre. Puis les magnanimes serviteurs enlevèrent tous les agrès et portèrent aussitôt les splendides présents dans les demeures de Clytios. Puis ils envoyèrent un messager à la demeure d'Odysseus afin d'annoncer à la prudente Pénélope que Télémaque était allé aux champs après avoir ordonné de conduire la nef à la ville, et pour que l'illustre reine rassurée ne versât plus de larmes. Et leur messager et le divin Porcher se rencontrèrent, chargés du même message pour la noble femme. Mais quand ils furent arrivés à la demeure du divin roi, le héros dit au milieu des servantes, « Ton cher fils, ô reine, est arrivé !» Et le Porcher, s'approchant de Pénélope, lui répéta tout ce que son cher fils avait ordonné de lui dire. Et après avoir accompli son message, il se hâta de rejoindre ses ports, et il quitta les cours et la demeure. Et les prétendants, attristés et soucieux dans l'âme, sortirent de la demeure et s'assirent auprès du grand mur de la cour devant les portes. Et le premier, Eurymachos, fils de Polybos, leur dit « Ô amis, certes, une audacieuse entreprise a été accomplie, ce voyage de Télémaque, que nous disions qu'il n'accomplirait point. Traînons donc à la mer une solide nef noire et réunissons très promptement des rameurs qui avertiront nos compagnons de revenir à la hâte. » Il n'avait pas achevé de parler quand Amphinomos, tourné vers la mer, vit une nef entrer dans le port profond, et les marins, ayant serré les voiles, ne se servaient que des avirons. Alors il se mit à rire, et il dit aux prétendants, « N'envoyons aucun messager, les voici entrés. Ou quelque dieu les aura avertis, ou ils auront vu revenir l'autre nef, et n'ont pu l'atteindre. » Il parla ainsi, et tous se levant coururent au rivage de la mer. Et aussitôt les marins traînèrent la nef noire à terre, et les magnanimes serviteurs enlevèrent tous les agrès. Puis ils se rendirent tous à l'agora, et ils ne laissèrent s'asseoir ni les jeunes ni les vieux. Et Antinos, fils de Pétès, leur dit « Ô amis, les dieux ont préservé cet homme de tout mal. Tous les jours, de nombreuses sentinelles étaient assises sur les hauts rochers battus de vent. Même à la chute de Hélios, jamais nous n'avons dormi à terre. Mais naviguant sur la nef rapide, nous attendions la divine Éos, épiant Télémaque afin de le tuer au passage. Mais quelque dieu l'a reconduit dans sa demeure. Délibérons donc ici sur sa mort. Il ne faut pas que Télémaque nous échappe, car je ne pense pas que lui vivant nous accomplissions notre destin. Il est en effet plein de sagesse et d'intelligence, et déjà les peuples ne nous sont pas favorables. Hâtons-nous avant qu'ils réunissent les Achéens à l'agora, car je ne pense pas qu'ils tardent à le faire. Il excitera leur colère, et il dira, se levant au milieu de tous, que nous avons médité de le tuer, mais que nous ne l'avons point rencontré. Et l'ayant entendu, ils n'approuveront point ce mauvais dessein. Craignons qu'ils méditent notre malheur, qu'ils nous chassent dans nos demeures et que nous soyons contraints de fuir chez les peuples étrangers. Prévenons Télémaque en le tuant loin de la ville, dans les champs ou dans les chemins. Nous prendrons sa vie et ses richesses que nous partagerons également entre nous et nous donnerons cette demeure à sa mère, quel que soit celui qui l'épousera. Si mes paroles ne vous plaisent pas, si vous voulez qu'il vive et qu'il conserve ses biens paternels, ne consumons pas, assemblés ici, ses chères richesses, mais que chacun de nous, retiré dans sa demeure, recherche Pénélope à l'aide de présents, et celui-là l'épousera, qui lui fera le plus de présents, et qui l'obtiendra par le sort. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets. Et alors, Amphinomos, l'illustre fils du roi Nisos Aretiade, leur parla. C'était le chef des prétendants, venu de Doulichios herbu et fertile en blé. Et il plaisait plus que les autres à Pénélope par ses paroles et ses pensées. et il leur parla avec prudence, et il leur dit: Ô amis, je ne veux point tuer Télémaque. Il est terrible de tuer la race des rois. Mais interrogeons d'abord les desseins des dieux. Si les lois du grand Zeus nous approuvent, je tuerai moi-même Télémaque, et j'exciterai les autres à m'imiter. Mais si les dieux nous en détournent, je vous engagerai à ne rien entreprendre. Amphinomos parla ainsi, et ce qu'il leur avait dit leur plut. Et aussitôt ils se levèrent et entrèrent dans la demeure d'Odysseus, et ils s'assirent sur des trônes polis. Et alors la prudente Pénélope résolut de paraître devant les prétendants très injurieux. En effet, elle avait appris la mort destinée à son fils dans les demeures. Le héros Médon, qui savait leur dessein, les lui avait dit, et elle se hâta de descendre dans la grande salle avec ses femmes. Et quand la noble femme se fut rendue auprès des prétendants, elle s'arrêta sur le seuil de la belle salle, avec un beau voile sur les joues. Elle réprimanda Antinoos et lui dit: Antinoos, injurieux et mauvais, on dit que tu l'emportes sur tes égaux en âge, parmi le peuple d'Ithaque, par ta sagesse et par tes paroles. Mais tu n'es point ce qu'on dit, insensé. Pourquoi médites-tu le meurtre et la mort de Télémaque? Tu ne te soucies point des prières des suppliants. Mais Zeus n'est-il pas leur témoin? C'est une pensée impie que de méditer la mort d'autrui. Ne sais-tu pas que ton père s'est réfugié ici, fuyant le peuple qui était très irrité contre lui? Avec des pirates taphiens, il avait pillé les Thesprotès qui étaient nos amis, et le peuple voulait le tuer, lui déchirer le cœur et dévorer ses nombreuses richesses. Mais Odysseus les en empêcha et les retint. Et voici que maintenant, tu ruines honteusement sa maison. Tu recherches sa femme. Tu veux tuer son fils. Et tu m'accables moi-même de douleur. Je t'ordonne de t'arrêter et de faire que les autres s'arrêtent. Et Eurymaclos, fils de Polybos, lui répondit: Fille d'Icarios, sage Pénélope, reprends courage et n'aie point ces inquiétudes dans ton esprit. L'homme n'existe point et n'existera jamais qui, moi vivant et les yeux ouverts, portera la main sur ton fils Télémaque. Je le dis, en effet, et ma parole s'accomplirait. Aussitôt son sang noir ruisselerait autour de ma lance. Souvent, le destructeur des citadelles Odysseus, me faisant asseoir sur ses genoux, m'a offert de ses mains de la chair rôtie et du vin rouge. C'est pourquoi Télémaque m'est le plus cher de tous les hommes. Je l'invite à ne point craindre la mort de la part des prétendants, mais on ne peut l'éviter de la part d'un dieu. » Il parla ainsi, la rassurant, et il méditait la mort de Télémaque. Et Pénélope remonta dans la haute chambre splendide où elle pleura son cher mari Odysseus, jusqu'à ce qu'Athéna, aux yeux clairs, eût répandu le doux sommeil sur ses paupières. Et vers le soir, le divin Porché revint auprès d'Odysseus et de son fils, et ceux-ci, sacrifiant un porc de 1 an, préparaient le repas dans l'étable. Mais Athéna, s'approchant du Laertiade d'Odysseus et le frappant de sa baguette, l'avait de nouveau rendu vieux. Et elle lui avait couvert le corps de haillons, de peur que le Porché, le reconnaissant, alla l'annoncer à la prudente Pénélope, qui oublierait peut-être sa prudence. Et le premier, Télémaque, lui dit: Tu es revenu, divin Eumaios. Que dit-on dans la ville? Les prétendants insolents sont-ils de retour de leur embuscade ou sont-ils encore à mes pieds au passage? Et le Porché Eumaios lui répondit: Je ne me suis point inquiété de cela en traversant la ville, car mon cœur m'a ordonné de revenir très promptement ici après avoir porté mon message. Mais j'ai rencontré un héros rapide envoyé par tes compagnons, et qui a le premier parlé à ta mère. Mais je sais ceci, et mes yeux l'ont vu. Étant hors de la ville, sur la colline de Hermès, j'ai vu une nef rapide entrer dans le port. Elle portait beaucoup d'hommes, et elle était chargée de boucliers et de lances à deux pointes. Je pense que c'étaient les prétendants eux-mêmes, mais je n'en sais rien. Il parla ainsi, et la force sacrée de Télémaque se mit à rire en regardant son père à l'insu du Porché. et après avoir terminé leur travail, ils préparèrent le repas et ils mangèrent, et aucun dans son âme ne fut privé d'une part égale. Et quand ils eurent assouvi la soif et la faim, ils se couchèrent et s'endormirent.